bana bakanisa ki bakotonda Tzoke salaki masango afwa Kare magika zing Ndokia chanti Eni ata singa Bae kakwana Albe tombala leka Ikandolo le manaja kukwile Atake Bana sebi maru bubu kandu kabandale Wanda kena kena nasi onye gela tage Kule gile la tomo bicha Ono slima beyi Salon la cosa la bandala. Dadi mo na ba yidi kanda. Ba mo na tumala ke Kimaimboa, mais bah comitin. Les rois marqués frappent na frappe. Point fort. Saladin s'agir salem. Oh, profondo la motema. Kabala qui s'amotepe en pamba pouya koleka. Bokangiata fototé. Bolingo koto qui s'en zungu. Ata o kalingi. Bolingo la sauce et à côté la thé. Poisaline ma o pepe. Nalenge ma koule. Tikala na soni. La salaka, on est canaille au fêlé, aboti en ronquine. Gamboa qui noani, Raissa va mille. Ma castinaï n'a pas promesse, son acos fania va pota yotiam de lia bolino. Et zovide ma kilatu, tika kolelisa motema, ou plutôt comprena kasana ma castine habituma. Ozonga yumana, yango na bolingwe, comme yon s'agite. Question langesko sa mole kinzela. Kas, kasereka, Didi, kinwani. Mande kinzela nde kaya ki konje nase. Pona mona kebile itangwa silisi. Ma papo na inyo se fungwanye. Abimwe na bolingo na nga. Zala ki mole kinzela. Bolingo sukanda bomanga. Savane mwati. Kapitala bolingo na nga. Na defisa mole kinzela. Bolingo sukanda bomanga. Didi kinwani. Kananga. Mole kinzela, na ya kine li solo. Na pesa kimote ya komino eko fina fina nga ilo boko. Na kanisa kikali nga ye. Ba parole nga vigla kina ye. Ifungo li chambra ba pwe feble. Me la mwisi de emosyona nga. Nga ina la kisye se faso mama. La kisa nga bomona. Gamwa mukili suka na ngoma bele. Na cinema polingo so shuwe rolani. O didi Akimani. Papa na diamse. Tonino Fernando. Kapita la polingo nanga. Na defisa male kinzela. Polingo suka na bomanga. Kamba Kamuzuna Gratiel Anita Babin. Yo poupé, hein? Chef coutumier, polé, polé, chat. Charlotte Chimbalanga, FIFA Boma, Youssef le branché. Oya, Koloba, Kounana, ni Céline Makolo. Lelo, lelo, beli, mama, et ponga la sali, choua. Didi qui noigne. Basusu ba komi o miwire Nicole Machuda Papa na biam se yonde se kite yonga mole mae Saint Valois Kokola Yesu ala muta kalozare Pato balo baka nana kide se lukule Kurana mai so kyo timyo mwe koni ngiste yo Zile ye pale nga loka si kwe tue kose mae Pati Bukanga Pato baso kama ngae Pukwa la tinga maki mole de Vandom, Papi Misaka, Kade Kissi, Monsieur Borel Kossi Kosimato, Christian Ngani Lomabat, Serge Roté Mafouta na Bordeaux, Honorable Serge Kayemba. Nati Lokole, Harry Noël, Yanzambe, Chiri Diawa, ah. Clara de Bruxelles, Normal. Titi Papa Diamse, Germain Dacosta, moi voilà. Isoliapona de Janzela, le Kakana Matamae, Atateli. Mawati poison makaka zila naye 61 Jeanne Masamba mama Norli yeah, Miriam Katumbi Nenette Samuzi Mole kinzila le ki George Mundiangombe Inzila pona deja nzila le kaka na matama Medo Shaumba Kungibali kibisa kwato kasi azonga kakaka Izanzila naye Takufatu Washington Bounty Eric Lucas Asita Chukelomboto Pacho RF Nenet Lelo Yeah, Maboke Malbo Lége Mone Kinzela Leki Elsa Cabriolet Non, Lomboto Kinzela Pesana Deja Lela Kana Matama Mie Te Bouche Zolo Mon Pepa Luka Kaka Zela Naye Joli Maya Lao, trésor de Katon. Francine Toin. Yeah, Majaki, Watunda. Chabani Record. Majaki Kake, Sela, Lela, Louvakae. Manu, Kikandolo, Muyajino, Chilumba. Eme Yamonia, FBI, Rambumba. Alex Moussi, Dani Deni. Camionnette Panzo. Yamai Bakemba. Love ya manana niye Pablo Zozo Bakemba, la fille des classes Ichumumo, tour de contrôle Henriette Kajinga Bongo Bolo Bake Bango ba qui biso Melanini Nat Mongo Jérémy Kazadi Mami Lela RTC Jacquindala Céline Biala Pacompolo Drixé Dambichik Nelly Bomei Bomcho Gaëtan Lipamoto Sidejima Mpata Hey Prince Dabira Dina David Dabira Annie Boboy David Togwa Alambia Escolinga kanga, tu es un amoka café, yakozo bezebunga. Papa Norbert Dabira, Moté Mayama Christine, Maître Papi Chipangila, Ramsès Chikaya, la main de Dieu. VIP, Coco Claudia, Pasioti Kelinga, Senayo Kaka, Gilo Bela Yabanakini. Mélevé le kendo baya malili kani ki atika ki avant koufaye on a bon de lio fio tia VIP fia papa pasioti kelinga sera yo kaka ilo pila ya panampila yoka misko molo mongo ya mongola na silisi maloba na zangi pouvoi pongana pona yo Fortina Nzembo Alita Libani Maloba yo mokoro loba la somba patience Papa Mouda Kase lo komana kosenga Ata jwenda e surchargé Lukata yen journe e pona kananga Koko Meba minga bako myose kako loba na litioke Nakanga se motema e Christelle Dabira la fille à papa Maloba maweli, aloba la papi chikaya Sokite mbe tula vivie Mokwa banda yo kenda Claudia Ata se nyete opona mwanga Koko Baninga bako myose kako loba na lichoke Nakanga se motema yi Mama Lorraine Le général Jean-François Ndenge Christian Biola Hélène Ngoma Elodie la maintenance Maître Esso Avocat d'affaires et politique Bona koko, gana kome kanzotoro Claudia Sassou na zangi pouvoir Na boye koma trop tard Pena yo kananzela Francis Molenga Singiona pa patron na boinde baka kolanga Tesang emploi du temps koko Le gouverneur de la ville Monsieur André Kimbuta Fumunabao L'homme du peuple Moïse Katumbi Pona koko Gana kome kanzotoro Maître John Claudia Sassou na zangi pouvoir taxi Na koma ki sur les lieux na kouti porte fermée Et sans assurance na yoye Na boye koma trop tard Pena yo kananzela Kyo bali mosu sungai malade Edo Sonta Monsieur le maire Hugo Londele Président Didi Mumbafo papi moulopwe. Carlos Salumu, Dike Kalukemba. Santos, Kikati. Blandine Pemba, Kakate Bale Kapolina Ina Ina Natali Mokibina Bangi Makambo Naleli Koli Villa Naleli Mwana Mama Kiki Christelle et Pétrolier Naina Kowa Epona Clotier Sassou Nicole Bele Pole Polecha, Roda Basawa, Mikole Bele, Trésor Mukuna, Nadani Zabana, Candy Shop, Nakotina Mayo, Boba Bogi, Boston, Perto Papa Nacheri, Marthe Chungu, Dieu merci le mot d'or. Sunga zuwe vele na koni nzoto Kola na toli na bango tediye Claudia Sasu ya ya na vivi Kunta Aldomu Okile lobiri na chikaya Claudia amu Vamere sekez Oh Guillaume Antono Bona yena kovanga teo Elvis et Sugar Champion Katumbi Muchacha Tembela Far West Paulin Katala et Sheraton Oye Zalipona Bamamo Mamadou la veuve Pouere Ma Marie, mère à bas moyen, Papa Mousé à Brazzaville, Maman Eliane, la petite Sophia, Nat et Olivia Mongo, Père Oseke, y'a Claude Mouema, l'autorité soleil, Mokonzi à Bakonzi, Mouana Mouibara, Mami Kara, ce que Koyokae. Salo ya bisa Claudia e se ke yo kibule kolo kana ba katre banka kila kisa kule la motema e les planificateurs kokara koko madimba materon agency mama weli mama bana e ya salo ya bisa Claudia e se ke yo kibule kolo kana ba kokibule wana e ba ke ngaina la limpongi yangu ma e Christelle Nguesso Wamba Sassou Ata balobina bango balobana bango baloba kasi pambaye Nakamona bango nakipaka te balanda kalo engeo Gikandolo pampazo enaona e Didier Mubengai na Solange Kamara Kaboboto, kasa yamba motote onda koyaye. Yako tinde lambai maluba mwa yete Yako bomba na sima bato na toni onos Yaka yaka na lingi yaka Ozongi samu nanga Solange mama na Suisse Netilino na likala Sisi Na lendio bomba bomba na Onoze limbambi Na keva Yako tindelanga maloba mwa yete Yako bomba na sima bato na toni onos Yaka yaka na lembi yaka Ozongi samu nanga onos Netilinu na likala Na lembio bomba bomba na Mamu deprouvaye Jao Lintiku Natasha Irene Richard Poiti Onose limbambe amour à vie Adantika ki eg mousika yangwa kosamaki Nasi nasi li passion sme naza rempli na ba désir Pati Peta tata tu yo talanenge mou mamana na yo ete li Onose Barbie Limbambe Moutou et tongi miso tome o lali na mbaite Na lali mpongia mobesu uta otika nga li kome Doto na yue delive nga kushema Pichu e yungu Jipen Sakala Na Hollande Amo nanga bolingo le sumisi nga kinesie Loko la batongo nga salaka na matene Spaja Soki mbula enoki na kima kopo la kosi malade Ya tembo Mahebi sa papa tenoki ba me ma dispenser mama Tunata bolingo nanga kasi amo temana yo Ego la ka avec le temps C'est Léoji, Bonayoji Titi Levallois Pierre Binda Mako mako mile laka Minginga moko Sokyota na nuli freyaka Zoto na ngeningana Nebosa na nambwa susi Uyaka Kole lisanga Philippe Dadingana Nambo nambo Ezo detruina Divano ma foala Nambo sika Odirija kanga Mamu Deprouva mamu Yaba monya Salkai Li kombene Kombo na ngatimo Kolo na kokufai Yimbambe Yebi sanga ndengo Linga kabalinga yo Na sala Mwa effort Na tu na conseille pas d'éprouva ah. Isabelle Takisanga Bois Noir Claudine Mveta Narcisse Mama Karine Katumbi Salomon Idi Na koma komile la bebe ni tu Mouninga lingio José Baumola Majikwa wine tikola kaka bandoto Nicole Vango Dede Mopasa Laina koma komi lela ye Mimi kwa kala Prof Bakoma kotu na ye Lebuka Kaita sanduku papa na plan midi Na Bruxelles Serge Kamba Mère Fossette de Bruxelles Komiotona, sozo bakimbae Afi malengo, irsile pechangae Na lati mamu deprouvae Planin bokwa la basale, linga de jamais sa rekiae Alain Tambo et passage obligé Eske li kombende, kombo nangati mokolo na kokufai Imbambe, yebi sangandengo, linga kabalinga yo Mireille na sala ta effort La japonaise Na tu na conseille pas d'éprouva Mami Mboula Ato kanamoto Ezalata na kundepe Oengo kamobimba Lisolo se a mamu d'éprouva Makambo na yo sali a zoni mamu Bijou Bilonda Meli kombende kumo nangati mokolo na kokufa Na mamu deprouva oh, oh, oh. Na deje tendresse Véro Moulanga Natacha Mbo Jibé le courant Mais à tout kana moto ezalaka na kondelpin oyo mboka mobimba esolose ya onose limbande makambo yo osali ya soni noske madila me atoka na moto atoka na limbambe vile pambani alela e domburo santabidi aloba o iren pepo peter kokobi omatuku deps atoka na moto atoka na eliobiko Sarkozy. mama na Joe. Asanya talilo bampamba ya golo belonga fransilungeni